Assieds-toi, on va t'expliquer. Fleur de dormir pour l'unité. Fleur de dormir pour l'unité. Tu vas voir, ça va t'épater. Car ça bouge dans le désert en été. Quand ça fleurit, c'est ramassé par des jeunes filles documentées. Et qui savent très bien ce qu'on en fait. Fleur de dormir pour l'unité. D'ailleurs, ça les fait rigoler. Fleur de dormir pour l'unité. Tes copains, tu vas appeler. Tes copains, tu vas appeler. Tu vas leur dire que t'as trouvé. Tu vas leur dire que t'as trouvé. Ce machin qu'on a tant cherché. Ce machin qu'on a tant cherché. Fleur de dormir pour l'unité. On va pouvoir se reposer. De toute façon, c'est sans danger. Fleur de dormir pour l'unité. On risque rien à essayer. Fleur de dormir pour l'unité. C'est un choix à considérer. Fleur de dormir pour l'unité. Fleur de dormir pour l'unité. Fleur de dormir pour l'unité. Alors vous allez décider de prévenir le monde entier. D'aller tranquillement se coucher. Fleur de dormir pour l'unité, on va pouvoir se reposer. Mes frères, je vais vous raconter un incident sans gravité. Mon pote a voulu se lever, c'était l'heure d'aller travailler. Fleur de dormir pour l'unité, il est reparti se coucher. De toute façon, c'est sans danger. Fleur de dormir pour l'unité. On risque rien à essayer. Fleur de dormir pour l'unité. C'est un choix à considérer. Fleur de dormir pour l'unité. Fleur de dormir pour l'unité. Fleur de dormir pour l'unité. Mais c'est déjà 9h passées. Et c'est pas tout de discuter. En plus ta mère elle va rentrer. Tu vas devoir lui expliquer. Vu comme ta mère elle est speedée. Fleur de dormir pour l'unité. Ça risque d'être compliqué. De toute façon c'est sans danger. Fleur de dormir pour l'unité. On risque rien à essayer. Fleur de dormir pour l'unité. C'est un choix à considérer. Fleur de dormir pour l'unité. Fleur de dormir pour l'unité. Fleur de dormir pour l'unité.